une effroide et elle inonde. Tous les pavés d'une lumière crue révèlent tout un petit monde, celui des ombres et de la rue. Là un mouvement, là une silhouette, et le reflet d'une lame qui lui un éclair puis un cri de bête, et l'assassin qui s'évanouit comme une ombre. Comme une ombre. Oh, comme une ombre. Comme une ombre. Un peu plus loin dans un hangar, rire, rugit une foule vulgaire. Pour qui vivre n'est qu'à voir du sang de la sueur et de la bière. De la bière. De la bière. Des chiens se déchirent dans l'arène, tandis que leur maître pavoise. Et dans un coin, un homme obscène met en vente une petite chinoise. Comme une ombre. Oh, comme une ombre. Comme une ombre. Comme une ombre. La lune est blême et elle m'appelle si fort que je ne peux résister, car dans mon cœur, la nuit réveille un désir chaud de liberté. Liberté! Joins et le sourire aux lèvres et dans mon âme, une chanson dans ces ruelles sombres gérées dans ce décor où je me fonds comme une ombre. Comme une ombre. Comme une ombre. Comme une ombre. C'est ces pulsions électriques qui parfois transpercent notre ennui. Entendez-vous cette musique? On a l'impression qu'elle nous suit.